Alors, on est encore en voie de résoudre le problème d'espace, le problème des nombres pour les conférences, ces petites conférences café-là. Puis, je vais demander à Gisèle de vous expliquer les contraintes sur ce plan-là, de vous expliquer pourquoi les contraintes existent, puis ce qu'on cherche à faire pour résoudre le problème, qui risque au cours de 82 de devenir insupportable. Moi, personnellement, j'ai pas l'intention de recommencer à toutes les semaines à donner des conférences générales. Puis avec tout le travail de séminaire que j'ai, parce que je suis booké d'un séminaire jusqu'à la fin de 82, c'est évident qu'à un certain moment, on va être obligé de complètement contrôler le nombre de personnes qui viennent dans les rencontres café. Puis, il y a des gens qui viennent dans les rencontres café d'une façon régulière, mais je ne peux pas me permettre d'empêcher les gens de venir dans les rencontres café qui ne viennent pas d'une façon régulière pour quelque raison que ce soit. Il y a des gens qui restent loin, il y a des gens qui envoient pas les raisons, ainsi de suite. Alors, il faut qu'il y ait un contrôle. Mais j'ai décidé de ne pas me mêler du contrôle. Parce que plus je vais dans le temps, plus je me désengage. Alors, j'ai commencé la semaine passée dans le Nord à expliquer à un groupe qui est venu. La formation, une formation purement verbale d'une structure visant à nous aider à organiser certains aspects des activités qu'on devra organiser au cours des années qui viennent. Alors, dans cette organisation-là, dans ce système-là, qui est purement verbal, qui est une entente personnelle entre moi et les gens, j'avais indiqué la formation d'un conseil, d'un exécutif, un conseil masculin et d'un conseil féminin, un exécutif masculin, un exécutif féminin. À cause de certaines tâches qui pourront être remplies plus par les femmes que par les hommes, ainsi de suite, ou qu'il y ait éventuellement une superposition des deux. Mais mes activités, surtout après 82, qui m'amèneront en dehors du pays, m'empêcheront de m'occuper de certaines choses, puis j'aimerais, ce serait préférable que les gens, que vous autres, que vous occupiez de certaines choses pour votre propre bénéfice au niveau des conférences, ainsi de suite, ou quoi que ce soit, ce qui se produira des années à venir, que je ne peux pas parler. Alors, dans ce conseil-là, il y a des noms qui me viennent au fur et à mesure que je rencontre des gens ou que je donne des conférences et je laisserai connaître ces noms-là et les gens que j'indiquerai dans le conseil ou dans l'exécutif, que ce soit du côté des femmes ou des hommes, faudra que vous vous en rappeliez parce que moi, je m'en rappellerai plus. Alors, c'est simplement une notation mentale entre vous et moi, quoi. Alors, il y a le docteur Albeck qui est dans l'exécutif, qui est un autre nom que j'ai eu. Puis, il y en a un autre. Je n'avais eu un autre ce soir, mais ça. Monsieur Robida, qui est dans l'exécutif. Autrement dit, ce sont des gens qui, si jamais on a des décisions à prendre, comme au niveau des locaux, ce sont des gens qui pourront s'organiser ensemble pour produire des conditions qui soient raisonnables pour le bénéfice de tout le monde. C'est évident qu'au rythme où je travaille, il y a énormément de gens qui sont aptes à remplir, faire gonfler tout ce nombre de personnes. Et on doit s'organiser sur le plan matériel pour être confortable quand on se donne des rencontres, pour pas qu'on soit empilés les uns sur les autres. À cause de certaines choses qui seront faites dans les années à venir, c'est bon que les gens que vous-même puissiez prendre vos propres décisions, puis moi, je suivrai ce que vous déciderez. Alors, les gens qui font partie de ce conseil-là, le nombre de personnes grandira selon les changements vibratoires dans ces gens-là. Puis du conseil, ça passera à l'exécutif. Puis toute action qui devra être, qui sera considérée comme valable, sera mise en activité. Mais il y a une condition pour le conseil, c'est que si vous décidez quelque chose au niveau du conseil concernant n'importe quoi, si vous avez à apprendre à trouver un endroit, par exemple, comme dans le cas où on est, pour qu'on puisse avoir suffisamment d'espace, il faut que le conseil soit totalement unanime. Autrement dit, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, il faut que tout le monde soit sur la même vibration. Sans ça, ça ne passe pas. Ça veut dire que c'est pas le temps. Faut que j'arrête. Fait que si ceux qui sont dans le conseil sont pas unanimes parfaitement, c'est parce qu'il y a une condition vibratoire qui bloque, puis cette condition vibratoire-là, on doit la respecter quand même, que ça prendrait 2 ans, puis qu'on doit être impacté comme des sardines pendant 2 ans de temps. C'est comme ça que ça marche, les lois vibratoires. Alors, ceux qui font partie de ce conseil-là, qui sont des gens suffisamment sensibles à leur propre intelligence, pourront se rencontrer et discuter du problème, le résoudre le problème d'une façon unanime, puis ensuite en informer ceux qui font partie de l'exécutif, puis s'arranger pour qu'éventuellement on résoudre le problème du local. Je peux pas, moi, personnellement, perdre trop d'énergie à ce niveau-là parce que ça me désénergise trop. Et il y a suffisamment de gens maintenant qui sont dans leur intelligence qui peuvent recevoir de l'information. Puis on ira par ça. Puis c'est un bon training pour plus tard. Parce que plus tard, je veux dire que les plans sont culottés. Alors, je vais laisser la parole à Gisèle pour vous donner un peu pour vous faire comprendre un peu la difficulté des rencontres sociales. Qu'elle fait face, pas tellement moi, mais qu'elle fait face tous les jours. Il semble que ça se peut pas qu'ils m'entendent en haut. Mais ça a l'air que je me suis assez plainte que ça a eu du résultat. Je pense qu'il était tanné de m'entendre. Qu'est-ce que ça implique? Bien, ça implique que je suis obligée de dire oui à une personne puis non à une autre personne. C'est pour moi très facile et très difficile. Je dis toi, tu viens, toi, tu viens, toi, tu viens, toi, tu viens pas, tu viens pas, tu viens pas. Mais ça marche pas de même. Parce que je vais dire toi, tu viens pas, puis toi, tu viens. Mais elle voyage avec elle. Ça marche pas. L'autre, à la dernière minute, n'a pas de moyen de transport, bien, elle veut venir avec une autre. Automatiquement, soit que je dis non aux deux ou que j'accepte la deuxième, ce qui est arrivé ce soir. Je fais une liste de ceux qui veulent venir tout le temps, depuis le début, qui sont tout le temps là. Automatiquement, bien, il y en a d'autres qui se rajoutent. Je me ramasse avec au-dessus de 100 noms. Où on fait les rencontres, elle est venir. Si, en partant, si une personne me donne son nom, vous dites, bien, moi, je vais recevoir 45 personnes chez moi, j'en ai 100 sur la liste des réguliers. À part de ceux qui veulent venir de temps à autre. Ou une fois par mois, ou 3 fois par mois, ou quand c'est en fin de semaine, ou quand c'est sur semaine, selon le travail, cela. J'avais pas de solution à date. Je sais pas où aller en février, parce qu'automatiquement, je suis obligée de dire non à 100 personnes. J'ai eu, par contre, certaines informations, certaines idées. J'en ai parlé à quelques personnes individuellement quand je les ai rencontrées. Et puis, j'ai des idées, puis je vous les soumets. Puis, ce sera à vous autres, après ça, d'agir dessus ou de les rejeter, selon ce que vous verrez. On a pas mal annulé l'idée du local, parce que ça fait trop commercial. En plus, si c'est un local, bien, on retombe d'une conférence générale. On a déjà eu une fois par mois. Pourquoi en faire d'autres? On a parlé de louer un endroit, de louer une maison. Puis là, bien, encore là, ça sera laissé au comité d'agir sur ça. Ce qu'on a discuté à date, c'est qu'on louerait une maison meublée. Probablement dans le Nord, c'est ce qui était discuté à date. Puis pour ça, bien, il y a bien des raisons. Il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui vont aimer mieux que ça se passe à Rive-Sud. Pensez à la distance. On a pensé au Nord parce que, pour des raisons vibratoires, de l'ambiance là-bas, on a pensé au Nord pour la question fatigue pour Bernard. Si c'est loin, ben il en donne deux ou trois dans le mois. Si c'est proche, ben, peut-être qu'on pourra le convaincre d'en donner un petit peu plus souvent. Et peut-être limiter les groupes. Parce que si ça dépasse 100-150 personnes, c'est plus un groupe intime, comme était le but de ces rencontres-là. Le Nord, je laisse le reste au niveau du Nord à discuter entre vous autres. L'affaire de louer une maison, on va revenir après ça si vous avez des questions. L'affaire de louer une maison, maintenant, je la vois au niveau de ceux qui viennent régulièrement, ceux qui sont là toutes les semaines, puis qui auraient avantage d'avoir un local. Que le comité s'en occupe, qu'il fasse des démarches, qu'il trouve un endroit. Je suis prêt à collaborer jusqu'où je peux, là, avec mon horaire qui est légèrement limité. Mais que ça soit divisé. Plus fort? C'est mieux? C'est-tu mieux? C'est-tu mieux? M'entends-tu en haut? On parlait de louer un local. Bon, moi, ce que j'ai suggéré à date, c'est qu'on loue un local... Accrochez-moi les dents, là. Qu'on loue un local... Ouh, y a du feedback. En groupe. C'est-à-dire qu'on partage l'endroit. Admettons qu'il y a 100 personnes qui veulent venir à chaque semaine. Ces personnes-là sont intéressées à ce moment-là à avoir un local. Qu'on se divise le coût du local. On a assez d'arranger. Comment ça fait que ça marche, moi? Voilà. Ben moi, j'ai une petite voix. Non? Quand je fais ma grosse voix, ça marche? Ah, oh, j'ai une oreille qui ne marche pas. Quand j'ai une oreille qui ne marche pas, voilà. La voix... On continue. Qu'on louerait une maison, par exemple, 100 personnes, on se divise le coût. Admettons qu'une maison meublée nous coûterait 500 $, ça nous coûterait 5 $ chacun par mois pour cet endroit-là. On aurait toujours un endroit pour aller. Les personnes qui supporteraient l'endroit auraient une clé qui pourrait servir pour bien des choses. Les gens, par exemple, qui partent de Baie-Saint-Paul ou Québec ou Rimouski pour venir à une conférence générale pourraient très bien avoir leur clé et aller coucher là, au lieu d'aller payer un hôtel en plus. Naturellement, si vous décidez tout d'aller coucher là à soir, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a... C'est 4-5 chambres. Il faudrait passer à ce moment-là par le conseil, que ce soit approuvé, entendu. Si, par contre, il y a plus que 100 personnes qui veulent participer au local, admettons qu'il y en a 200, automatiquement, ça coûterait 2,5 $ au lieu de 5 $. Puis ainsi de suite. Je pense que vous pouvez comprendre juste l'idée générale de ça. Mais on pourrait se ramasser avec le même problème qu'on a ici ce soir, parce que c'est quand même passablement grand chez M. Robida, puis on a quand même pas suffisamment d'espace. Comment je vois la solution? Bien, j'en vois une, il y en aura peut-être d'autres qui surgiront. Ce que j'ai perçu ce soir, c'est qu'on limite le nombre à 100 personnes. Mais qui va limiter? Moi, je peux pas vous dire « viens, viens pas ». Je peux pas dire « t'es venu la semaine passée, viens pas cette semaine ». Ça ne tient pas debout, cette affaire-là. Parce qu'une personne peut avoir le goût d'y aller 3 semaines d'affilée, puis prendre un break de 3 semaines, puis revenir encore. Il faut que ça vienne de vous. Donc, probablement par le comité. Moi, je voyais un plafond de 100 personnes. Je voyais que vous vous inscrivez, que je vous donne les dates d'avance et vous placez votre nom sur un registre, sur une feuille, quelque chose, quelqu'un s'en occupe. Et puis, quand on est rendu à 100 personnes, on arrête là. Mais admettons que Lise est sur la liste, et puis elle est supposée venir, et puis à la dernière minute, elle ne peut pas venir, bien, elle peut avertir quelqu'un, ou elle peut se faire remplacer, ou... Puis si elle n'avertit pas, bien, ça ne dérange rien, parce qu'il y a quand même assez de monde là. Si, par contre, elle a le problème contraire, qu'elle veut venir, mais sa cousine qui a fait le séminaire est en visite chez elle, puis elle veut l'accompagner, et si elle essaye de m'appeler, moi, je ne suis jamais rejoignable, Ça essaie d'appeler le comité, ça met le même problème, ils sont déjà partis. À ce moment-là, elle vient, tout simplement, elle l'amène. Alors, si on se donne une marge de 25 personnes, ça veut dire qu'on pourrait aller jusqu'à 125 personnes, on n'aura jamais trop de monde. Parce qu'il n'y en aura jamais des cas de dernière minute. Habituellement, il y en a 2, 3, 4, 5. Ça tue, selon vous, ça a-tu du bon sens? Ça colle-tu un petit peu avec ce que vous voyez? Ça, tu pourras amener ta cousine la prochaine fois. Alain, tu voulais me suggérer quelque chose? Okay. Le nord, c'est où, papa? Quand tu parles du nord, c'est quoi? Bon, à partir de ce point-ci, là, c'est les problèmes là, que je voulais qu'elle vous explique, là. Elle vous les a expliqués, puis les problèmes. Puis, maintenant que vous connaissez les problèmes, nous autres, moi et Gisèle, on s'en occupe plus. Fait que là, il y a un conseil que je forme, là, dans lequel il va y avoir un certain nombre de personnes, je ne sais pas, parce que le conseil est déterminé par des lois occultes. Puis les lois occultes qui composent le conseil, ce sont des lois occultes qui vont continuer à opérer pendant les années à venir. Alors, la formation du conseil, qu'est-ce que c'est le conseil? Qu'est-ce que ça implique le conseil? C'est voilé. Puis, pour le moment, on n'a pas à s'en occuper. On a simplement, pour le moment, à recevoir l'information. Alors, quand je reçois l'information de prendre telle personne puis de la mettre dans une branche exécutive, mâle ou femelle de cette structure, je le fais. S'ils me disent, telle personne va dans le conseil mâle ou féminin, je le fais. Alors, au fur et à mesure qu'on avance, les gens qui sont dans le conseil ou qui sont dans l'exécutif le savent. Et si on a des problèmes à résoudre, comme le cas en est présentement, à ce moment-là, le conseil s'en occupe, puis ensuite le conseil passe à l'exécutif, puis après ça, on s'en branche. Moi et Gisèle, je m'en occupe pas aucunement. Alors, c'est totalement dans vos mains, seulement vous serez obligé de passer par le conseil. Et ceux qui ne sont pas dans le conseil et qui ne sont pas dans l'exécutif, à ce moment-là, si vous avez des points, des idées, des ci ou des ça, il y a un conseil pour vous mettre en contact avec eux autres, vous le casser la tête, puis vous le fournirez de votre information, eux autres assimileront cette information-là, ainsi de suite, et éventuellement, ils se développeront un portrait, puis du conseil, ça ira à l'exécutif, puis c'est comme ça que ça marchera. Fait que le problème concernant les salles, à partir d'aujourd'hui, il n'est plus mon problème, puis il n'est plus le problème de Gisèle, je m'en occupe plus, comment il y aura du monde jusqu'au plafond. Ah, les conditions que je comprends, qu'il y a trop de monde, puis plus ça va aller, plus il va y avoir du monde. Anyway, parce que c'est une spirale, ça ne s'arrête plus, ça. Fait qu'automatiquement, c'est pour ça que je forme verbalement un conseil, c'est-à-dire que je forme une structure qui est purement verbale, qui est entendue par les gens qui sont amenés à cette structure-là. Et ce sont ces gens-là qui résoudront le problème. Alors, dans les semaines qui viendront, le conseil se réunira. Soit que le conseil se réunisse chez nous dans le Nord ou que le conseil se réunisse quelque part à Montréal. Si vous voulez vous réunir ensemble, réunissez-vous ensemble. Si vous voulez vous réunir avec moi, vous me laissez savoir. On s'organisera pour se rencontrer. Puis, oui. Oui, les gens, le conseil, l'exécutif et le conseil masculin et féminin sera connu de toutes les centaines de personnes. Mais il y a une chose que je veux que vous compreniez, comme je ne parle pas de ces choses-là dans une conférence générale, que je passe à des groupes restreints, il y a beaucoup d'informations que je peux donner dans une soirée que je ne donnerai pas dans l'autre soirée, et ainsi de suite. Mais une chose qui est importante, c'est que ces structures-là, ce sont des structures verbales. Autrement dit, c'est une entente tacite entre moi et les personnes. Et quand j'établis ça, c'est le temps. Puis même si je sais qu'une personne fait partie du conseil dans 6 mois, mais aujourd'hui, elle ne peut pas faire partie du conseil parce que c'est pas le temps. Dans 6 mois, la personne aura eu suffisamment des changements vibratoires pour qu'elle puisse fonctionner dans le conseil, parce que pour fonctionner dans le conseil, il faut que les gens soient suffisamment en harmonie vibratoire au niveau de la personnalité pour pas qu'il y ait d'accroche. Au niveau des exécutifs, c'est la même chose, mais c'est moins important, ainsi de suite. Alors, le conseil, l'exécutif, cette structure verbale deviendra un autre terrain où les personnalités seront amenées à discuter au niveau structure, au niveau matériel, au niveau physique de certaines choses. Et ça, ça servira pour plus tard pour des plans qui sont très vastes et que je ne veux pas discuter pour le moment. Mais au moins, c'est un début qui est essentiel et qui est normal dans toute relation humaine. La première épreuve, si vous voulez, de ce conseil, de cet exécutif, c'est de trouver une place pour qu'on puisse faire des conférences et être à l'aise. Les gens sont confortables. Et pour que tous les gens puissent être servis, pas seulement ceux qui viennent à tous les jours, puis ceux qui veulent venir à tous les semaines, mais ceux qui veulent venir à tous les trois mois. Comme les gens Oui, c'est juste. Mais. C'est ça qui est le problème. Oui, ça c'est un problème. C'est pour ça que ces cassettes-là sont enregistrées. Que je les ai mis dans les mains de Bessette. Puis si Bessette, si les gens à Québec veulent les recevoir, ils peuvent les recevoir. Si les gens à Rimouski veulent les recevoir, ils peuvent les recevoir. Mais il ne faut pas non plus s'attacher trop aux conférences. C'est une autre illusion, ça. Là, je cite, puis je parle. À la fin 82, je commence à diminuer mes activités, puis en 84, j'arrête mes activités. J'aurai d'autres activités à d'autres niveaux, de d'autres façons. Mais nous, on ne doit pas s'attacher à rien. Parce que c'est pas parce que vous manquez une conférence que vous en manquez 10 conférences que ça va changer quoi que ce soit dans votre vie. Simplement, c'est que les conférences vous aident à comprendre des subtilités de ce que je veux dire d'une façon plus rapide pour que votre personnalité, votre esprit, votre mental, votre émotionnel, toute votre vie intérieure s'ajuste complètement. C'est la seule différence. Mais il y a des gens qui peuvent pas venir à toi, qui peuvent pas venir facilement. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont des responsabilités, il y a toutes sortes de raisons. Bon. Et comme le plan est occulte, comme le plan est occulte, comme il est voilé, le plan, c'est petit à petit qu'on... On en prend possession, puis on en prend possession. Puis ça fait de conseils-là, puis d'exécutifs-là, ça fait partie de ça. Alors, des gens qui sont sur le conseil sont des gens qui sont suffisamment sensibles. Les gens dans l'exécutif sont des gens qui sont suffisamment sensibles à leur vibration pour pouvoir canaliser l'énergie de leur intelligence et former un tout, former une synthèse de ce qui doit être fait. Et ainsi de suite. Notre vie commence. Ça va très loin. La sixième race. Alors là, j'arrête cette affaire-là. Là, j'ai... Ce que j'indique dans un exécutif ou dans un conseil quelconque, rappelez-vous-en, parce que moi, je m'en rappelle plus après. Fait que, il y a M. Robida, là, qui est, M. Robida. Je sais pas ce que je l'ai mis, Robida. M. Robida. Statut d'exécutif ou de conseil? L'exécutif? Je suis pas sûr si c'est l'exécutif encore. Fait qu'on va attendre. Puis ils m'ont expliqué comment ça fonctionne, d'après eux autres, un conseil ou un exécutif. Eux autres, ils peuvent... C'est un peu comme une tarte. Ils peuvent avoir un certain nombre de personnes dans un conseil. Et à l'intérieur de conseil, ils peuvent former une autre structure. Et à l'intérieur de cette structure-là, ils peuvent finir une autre structure. Et ainsi de suite. Alors... Parce que dans un conseil, il y a différents taux vibratoires dans un conseil, comme il y a différents taux vibratoires dans un exécutif. Et dans un conseil, ils peuvent très, très facilement infiltrer une autre structure que je connais pas présentement, que je connaîtrai quand je le parlerai, ainsi de suite, pour échanneler et raffiner le plus possible pour que, éventuellement, le conseil ait une communication télépathique avec eux autres très, très précise, très juste. Parce que c'est la communication télépathique avec eux autres qui devient pour nous autres une source d'information. Alors, c'est de même que ça marche. Alors, plus les gens avancent dans cette conscience, dans leur intelligence, plus la communication télépathique se fait, de sorte que dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, les gens auront une communication télépathique très précise, un peu comme la mienne, À ce moment-là, ce conseil-là deviendra extrêmement important au niveau humain. Soit au Québec ou dans différentes nations, selon le plan. Il n'y aurait plus de problème de personnalité rendu à ce point-là. Fait que c'est pour ça qu'en attendant, là, l'affaire du conseil, l'affaire de l'exécutif, faut pas le prendre d'un point de vue personnel. Faut pas le prendre d'une façon importante, parce qu'il n'y a rien d'important pour ça. C'est simplement des mécanismes de relation entre nous qui permettront plus tard qu'on établisse, qu'on fasse telle telle chose, qu'on aura besoin selon les conditions de vie qui nous amèneront à faire ça. Dans ce cas-ci, c'est simple, c'est de trouver une place pour qu'on puisse avoir des conférences et être à l'aise. Bon, là, je ferme ma gueule, puis là, je commence.